Here are three examples of things to respond to using either difficile or facile. If you hear the French for it's easy, c'est facile, or it's very easy, c'est très facile, or it's not very difficult, ce n'est pas très difficile. Repeat the phrase and then, because you understand, add je comprends. On the other hand, if you hear the French for it's difficult, c'est difficile, or it's very difficult, c'est très difficile, or it's not easy, ce n'est pas facile. Repeat the phrase and then, because you don't understand, add je ne comprends pas. And by the way, listen carefully to the intonation. It should give you a clue as to whether you say you understand or you don't understand. You'll hear the correct answer after the pause, and you repeat it with the same intonation. 1. 1. C'est très difficile. C'est très difficile. Je ne comprends pas. 2. 2. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne comprends pas. 3. 3. Ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas très difficile. Je comprends. 4. 4. C'est difficile. C'est difficile. Je ne comprends pas. 5. 5. C'est très facile. C'est très facile. Je comprends.